Jérémie chapitre 51. Ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais faire lever un vent de destruction contre Babylone, et contre ceux qui habitent au cœur du royaume de ceux qui s'élèvent contre moi. Et j'enverrai contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, et qui videront son pays, car de tous côtés ils seront venus contre elle au jour de son mal. Qu'on bande l'arc contre celui qui bande son arc, et contre celui qui se confie en sa cuirasse, et n'épargnez point ces gens d'élite, exterminez à la façon de l'interdit toute son armée. Et les blessés à mort tomberont au pays des Chaldéens, et les transpercés tomberont dans ses places. Car Israël, et Juda, n'est point privé de son Dieu, de l'Éternel des armées, quoique leur pays ait été trouvé par le Saint d'Israël plein de crimes. Fuyez hors de Babylone, et sauvez chacun sa vie, ne soyez point exterminés dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel, il lui rend ce qu'elle a mérité. Babylone a été comme une coupe d'eau en la main de l'Éternel, enivrant toute la terre, les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations en ont perdu l'esprit. Babylone est tombée en un instant, et a été brisée, hurlez sur elle, prenez du baume pour sa douleur, peut-être qu'elle guérira. Nous avons traité Babylone, et elle n'est point guérie, laissez-la, et allons-nous-en chacun en son pays, car son procès est parvenu jusqu'aux cieux, et s'est élevé jusqu'aux nues. L'Éternel a mis en évidence notre justice. Venez, et racontons en Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Fourbissez les flèches, et empoignez à pleine main les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Mède, car sa pensée est contre Babylone pour la détruire, parce que c'est ici la vengeance de l'Éternel, et la vengeance de son temple. Élevez l'enseigne sur les murailles de Babylone, renforcez la garnison, posez les gardes, préparez des embûches, car l'Éternel a formé un dessein, même il a fait ce qu'il a dit contre les habitants de Babylone. Tu étais assise sur plusieurs eaux, abondante en trésors, ta fin est venue, et le comble de ton gain déshonnête. L'Éternel des armées a juré par soi-même, en disant, si je ne te remplis d'hommes comme de Rebec, et s'il ne s'entre-répond pour s'encourager contre toi, c'est lui qui a fait la terre par sa vertu, et qui a rangé le monde habitable par sa sagesse, et qui a étendu les cieux par son intelligence. Sitôt qu'il fait ouïr sa voix, il y a un grand bruit d'eau dans les cieux, après qu'il a fait monter du bout de la terre les vapeurs, ses éclairs annoncent la pluie, et il tire le vent hors de ses trésors. Tout homme paraît abruti dans sa science, tout fondeur est rendu honteux par les images taillées, car ce qu'ils fondent est une fausseté, et il n'y a point de respiration en elles. Elles ne sont que vanité, et un ouvrage propre à abuser, elles périront tant de leur visitation. La portion de Jacob n'est point comme ces choses-là, car c'est celui qui a tout formé, et il est le lot de son héritage, son nom est l'Éternel des armées. Tu m'as été un marteau et des instruments de guerre, par toi j'ai mis en pièces les nations, et par toi j'ai détruit les royaumes. Et par toi j'ai mis en pièces, le cheval et celui qui le monte, et par toi j'ai mis en pièces, le chariot et celui qui était monté dessus. Et par toi j'ai mis en pièces l'homme et la femme, et par toi j'ai mis en pièces, le vieillard et le jeune garçon, et par toi j'ai mis en pièces le jeune homme et la vierge. Et par toi j'ai mis en pièces le pasteur et son troupeau, et par toi j'ai mis en pièces, le laboureur et ses bœufs accouplés, et par toi j'ai mis en pièces, les gouverneurs et les magistrats. Mais je rendrai à Babylone, et à tous les habitants de la Chaldée, tout le mal qu'ils ont fait à Sion, vous le voyant, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne qui détruit, dit l'Éternel, qui détruit toute la terre, et j'étendrai ma main sur toi, et je te roulerai en bas du haut des rochers, et je te réduirai en montagne d'embrasement. Et on ne pourra prendre de toi aucune pierre pour la placer à l'angle de l'édifice, ni aucune pierre pour servir de fondement, car tu seras des désolations perpétuelles, dit l'Éternel. Levez l'enseigne sur la terre, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, convoquez contre elles les royaumes d'Arara, de Mini et d'Ascena, établissez contre elles des capitaines, faites monter ses chevaux comme le rebec qui se hérisse. Préparez contre elles les nations, les rois de Mède, ses gouverneurs, et tous ses magistrats, et tout le pays de sa domination. Et la terre en sera ébranlée, et en sera en travail, parce que tout ce que l'Éternel a pensé, a été effectué contre Babylone, pour réduire le pays en désolation, tellement qu'il n'y ait personne qui habite. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre, ils se sont tenus dans les forteresses, leur force est éteinte, et ils sont devenus comme des femmes, on a brûlé ses demeures, et ses barres ont été rompues. Le courrier viendra à la rencontre du courrier, et le messager viendra à la rencontre du messager, pour annoncer au roi de Babylone, que sa ville est prise par un bœuf, et que ses guets sont surpris, et que ses marais sont brûlés au feu, et que les hommes de guerre sont épouvantés. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone est comme une mère, il est temps qu'elle soit foulée, encore un peu, et le temps de sa moisson viendra. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dira Jérusalem, m'a dévoré et m'a froissé, il m'a mise dans le même état, qu'un vaisseau qui ne sert de rien, il m'a englouti comme un dragon, il a rempli son ventre de mes délices, il m'a chassé au loin, ce qu'il m'a ravi par violence, et ma chair est à Babylone, dira l'habitant de Sion, et mon sang est chez les habitants de la Chaldée, dira Jérusalem. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais plaider ta cause, et je ferai la vengeance pour toi, je dessécherai sa mer, et je ferai tarir sa source. Et Babylone sera réduite en monceau, en demeure de dragons, en étonnement, et en opprobre, sans que personne y habite. Ils rugiront ensemble comme des lionceaux, et bruiront comme des fangs de lions. Je les ferai chauffer dans leur festin, et les enivrerai, afin qu'ils se réjouissent, et qu'ils dorment d'un sommeil perpétuel, et qu'ils ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, et comme on y mène les moutons avec les boucs. Comment a été prise ces haches, et comment a été saisie celle qui était la louange de toute la terre? Comment Babylone a-t-elle été réduite en désolation parmi les nations? La mer est montée sur Babylone, elle a été couverte de la multitude de ses flots. Ces villes ont été un sujet d'étonnement, une terre sèche et de landes, un pays où personne ne demeure, et où il ne passe pas un fils d'homme. Je punirai aussi belle à Babylone, et je tirerai hors de sa bouche ce qu'il avait englouti, et les nations n'aborderont plus vers lui, la muraille même de Babylone est tombée. Mon peuple, sortez du milieu d'elle, et sauvez chacun sa vie de l'ardeur de la colère de l'Éternel. De peur que votre cœur ne s'amollisse, et que vous n'ayez peur des nouvelles, qu'on entendra dans tout le pays, car des nouvelles viendront une année, et après cela d'autres nouvelles une autre année, et il y aura violence dans la terre, et dominateur sur dominateur. C'est pourquoi, y voici, les jours viennent que je punirai les images taillées de Babylone, tout son pays sera rendu honteux, et tous ses blessés à mort tomberont au milieu d'elle. Les cieux, et la terre, et tout ce qui y est, se réjouiront avec chants de triomphe contre Babylone, parce qu'il viendra de là qu'il ont des destructeurs contre elle, dit l'Éternel. Et comme Babylone a fait tomber les blessés à mort d'Israël, ainsi les blessés à mort de tout le pays tomberont à Babylone. Vous qui êtes échappés de l'épée, marchez, ne vous arrêtez point, souvenez-vous de l'Éternel dans ces pays éloignés où vous êtes, et que Jérusalem vous revienne au cœur. Mais vous direz, nous sommes honteux des reproches que nous avons entendus, la confusion a couvert nos faces, en ce que les étrangers sont venus contre les sanctuaires de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai justice de ces images taillées, et les blessés à mort gémiront par tout son pays. Quand Babylone serait montée jusqu'aux cieux, et qu'elle aurait fortifié le plus haut de sa forteresse, toutefois les destructeurs y entreront de par moi, dit l'Éternel. Un grand cri s'entend de Babylone, et un grand débris du pays des Chaldéens. Parce que l'Éternel s'en va détruire Babylone, et il abolira du milieu d'elle la voix magnifique, et leurs flots bruiront comme de gros seaux, l'éclat de leur bruit retentira. Car le destructeur est venu contre elle, contre Babylone, ses hommes forts ont été pris, et leurs arcs ont été brisés, car le Dieu fort des rétributions, l'Éternel, ne manque jamais à rendre l'appareil. J'enivrerai donc ses principaux et ses sages, ses gouverneurs et ses magistrats, et ses hommes forts, ils dormiront d'un sommeil perpétuel, et ils ne se réveilleront plus, dit le roi dont le nom est l'Éternel des armées. Ainsi a dit l'Éternel des armées, il n'y aura aucune muraille de Babylone, quelque large qu'elle soit, qui ne soit entièrement rasée, et ses portes, qui sont si hautes, seront brûlées au feu, ainsi les peuples auront travaillé inutilement, et les nations pour le feu, et elles s'y seront lassées. C'est ici l'ordre que Jérémie, le prophète donna à Séraja, fils de Nérija, fils de Maaseja, quand il alla de la part de Sédécia, roi de Juda, en Babylone, la quatrième année de son règne, or Seraja était principal chambellan. Car Jérémie écrivit dans un livre, tout le mal qui devait venir sur Babylone, savoir, toutes ces paroles qui sont écrites contre Babylone. Jérémie donc dit à Seraja, sitôt que tu seras venu à Babylone, et que tu l'auras vu, tu liras toutes ces paroles-là, et tu diras, Éternel, tu as parlé contre ce lieu-ci pour l'exterminer, en sorte qu'il n'y ait aucun habitant, depuis l'homme jusqu'à la bête, mais qu'il soit réduit en désolation perpétuelle. Et sitôt que tu auras achevé de lire ce livre, tu le liras à une pierre, et le jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, Babylone sera ainsi plongée, et elle ne se relèvera point du mal, que je m'en vais faire venir sur elle, et ils en seront accablés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie.